Facile. Bon, alors je vais vous parler des poissons sous un angle éthologique. Alors j'ai classé les différents thèmes du plus évident au plus épatant, enfin ce qu'on soupçonne pas forcément. Alors, je vais commencer par une introduction générale sur les poissons pour vous dire quelques généralités. Alors premièrement, il faut savoir que c'est un groupe paraphylogénétique. En fait, ce qu'on appelle un groupe phylogénétique, c'est une classification suivant l'arbre généalogique. Et pour qu'un groupe soit phylogénétique, il faut qu'il ait un ancêtre commun et tous les descendants de cet ancêtre commun. Et en fait, l'ancêtre commun des poissons, qui vivait il y a 470 millions d'années, a eu pour descendants aussi tous les craniates, donc les mammifères, les oiseaux, les reptiles, etc. Alors c'est un groupe très diversifié qui comprend les lamproies que vous voyez à gauche, qui sont des vertébrés sans mâchoire. Là on peut voir la bouche toute ronde. Qui comprend les myxines que j'ai mis à droite. Alors ça ce sont des invertébrés mais qui ont un crâne. Ensuite, il y a des animaux dont le squelette ne contient que du cartilage. Non, j'en ai pas mis. La raie, les requins. Et ensuite, ceux-là, c'est les dipneustes. C'est des poissons avec poumons, en plus des branchies. Donc, en bas, j'en ai mis un hors de l'eau, qui peut respirer dans l'air. Donc, il y a des poissons pisciformes. La forme qu'on connaît, mais aussi aplatie, verticalement, horizontalement. Là, je vous ai mis une sole et une raie. Il y a des poissons serpentiformes, allongés. Là, je vous ai mis une anguille et un fougou, qui, lui, est un poisson beaucoup plus, on dit, globuleux. Voilà. Et enfin, là, le poisson-pierre, qui est en forme de caillou. Voilà. Alors on compte entre 28 000 et 32 000 espèces, ce qui correspond à la moitié des vertébrés à peu près. Alors bon, c'est difficile à cerner quel individu est d'une espèce ou d'une autre, parce que c'est pas toujours très flou. Souvent, il y a deux groupes, ils sont entre un groupe A et B, il se peut qu'il y ait un individu du groupe A qui est interfécond avec un individu du groupe B, mais pas forcément. Parce que voilà, ils sont en cours de spéciation. Quand deux espèces se distinguent, c'est pas du jour au lendemain, tout le monde est interfécond, et ça y est, plus personne n'est interfécond, ça se fait progressivement. Donc il y a beaucoup de cas, c'est en cours, bon. Alors, pour montrer leur diversité, on en trouve un peu partout, en fait. Le record que j'ai trouvé, c'est à plus de 5000 mètres dans les lacs tibétains pour l'altitude et 8000 mètres sous les mers. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un record qui a été d'un poisson trouvé au large des Philippines. Là, on en trouve à diverses températures de moins 2 degrés à peu près, qui est la température de congélation de l'eau de mer. À jusqu'à 50 degrés. Bon, il y a des tailles extrêmement variées, du requin baleine qui fait 20 mètres et plus de 20 tonnes, au gobinin de 7 mm de long, c'est le plus petit vertébré. Et on observe même parfois des dimorphismes sexuels extraordinaires, par exemple chez les cetatias. En fait, le mâle est 10 fois plus petit que la femelle et il vit accroché à sa peau. Parfois, il y a même la circulation sanguine qui est commune. Donc, ça forme une chimère un peu bizarre. Bon, pendant longtemps, les poissons ont été peu étudiés au niveau cognitif parce qu'on avait des conceptions un peu du poisson comme un automate gouverné par ses instincts. Alors là, on était influencé par la Scala Natura d'Aristote. Bon, c'est l'échelle des êtres avec tout en haut les humains, ensuite les mammifères et les poissons tout en bas des animaux. Enfin, peut-être un peu au-dessus des vers de terre. Et en fait, ils ont souffert de leur absence d'expression faciale, de cri, qui fait qu'on pensait qu'ils n'avaient pas beaucoup de vie mentale, en fait. Voilà, c'était ça. Ah oui, les conceptions gradistes, comme quoi il y aurait des espèces archaïques et d'autres très évoluées, en fait, ça n'a pas de sens comme notion. Parce que, en fait, tous les êtres vivants, à l'heure actuelle, ont un arbre généalogique de 3 milliards d'années. Donc, ils sont tous le fruit d'une évolution de 3 milliards d'années, donc il n'y en a pas des plus évolués ou des moins évolués. Alors là, ah oui, je vous ai mis les publications par année sur les poissons. On voit qu'il y a un intérêt récent pour la question. Et c'est ces travaux récents que j'ai essayé de compiler. Alors ça va de 91 à 2010. Sur les poissons, sur l'éthologie cognitive des poissons, dans les revues savantes. Alors là, oui, c'est un petit mot pour le cerveau des poissons. En fait, leur organisation est différente. En fait, leur développement est inversé. Donc, ce qui est en surface chez les mammifères et au milieu du cerveau et inversement. Mais sinon, on retrouve à peu près les mêmes zones. Alors, il y a des études où on a cartographié les fonctions du cerveau des poissons rouges. Et pour ce faire, en fait, on enlevait chirurgicalement des morceaux du cerveau pour voir les handicaps que ça provoquait chez les poissons. Donc, c'est pas très sympathique. La sentience, vous êtes déjà convaincu que les poissons ressentent la douleur, mais ça. C'est quelque chose qui n'était pas évident pour le grand public il y a encore 20 ans. Alors, je vais vous parler assez brièvement d'une étude qui démontre que les poissons ressentent la douleur. Alors, c'est une expérience où on injecte dans la lèvre d'une truite qui est inconsciente, qui a été anesthésiée, soit du venin d'abeille, soit du vinaigre. Et ensuite, on la met dans son aquarium et on la compare avec une situation normale où elle n'a pas de lésion. Et on s'aperçoit que leur respiration augmente de 60 à 90 inspirations par minute. Elle se désintéresse de la nourriture. Et certaines qui ont reçu le vinaigre, c'est une brûlure acide, elles compressent leurs lèvres contre la paroi de l'aquarium ou contre les cailloux du fond. Parce qu'apparemment, ça soulage un peu de faire ça. Et les expérimentateurs, pour prouver que les truites perçoivent consciemment le signal douloureux, ils ont mis sur pied une variante intéressante. En fait, ils se sont dit, si la douleur perturbe une tâche qui nécessite un accès conscient à l'information, ça montre que le stimulus douloureux est perçu consciemment. Donc, ils sont partis du fait que les truites sont très craintives, elles évitent les objets nouveaux, du moins au début, le temps qu'elles s'y habituent. Donc, là, dans cette variante, on endort les truites, on leur met soit du vinaigre, soit de l'eau salée, on les place dans l'aquarium avec un objet nouveau, une tour en Lego. Et les truites blessées évitent beaucoup moins la tour que les truites témoins. Alors les truites témoins, dans les deux expériences, on leur a donné un placebo de l'eau salée. Et les truites blessées ne montrent pas vraiment de comportement d'évitement, parce qu'elles sont occupées par leur douleur, et elles font plus attention à l'objet nouveau. Et on a refait l'expérience en donnant de la morphine à tous les poissons. Et là, on observe le même comportement dans les deux groupes, le groupe placebo et le groupe blessé. Donc ça montre bien que comme la morphine bloque sélectivement la douleur et pas la perception tactile, ça montre bien que le signal est douloureux. Alors ensuite, pour les émotions, bon, il y a beaucoup d'études sur la peur chez les poissons, mais là je vous ai choisi une étude sur les émotions sociales. toujours les truites. En fait, c'est des animaux très sociaux qui n'aiment pas la solitude et elles préfèrent la compagnie d'autres truites, même quand elles sont séparées par une vitre, deux aquariums adjacents. Et bon, et comme tout le monde, elles n'aiment pas les chocs électriques. Alors, dans l'expérience, en fait, le dispositif est que deux tiers de l'aquarium est sûr, et par contre, dans un tiers de l'aquarium, on fait passer des décharges électriques de faible intensité, donc c'est pas douloureux vraiment, mais c'est déplaisant. Et à côté de la zone électrifiée se trouve un aquarium adjacent. Quand l'aquarium adjacent est vide, les truites, bien sûr, évitent la zone électrifiée, elles évitent l'inconfort. Par contre, quand il y a une autre truite dans l'aquarium adjacent, elles préfèrent endurer les chocs électriques déplaisants pour être avec l'autre truite, plutôt que de rester seule. Par contre, quand on refait l'expérience avec des poissons rouges qui sont assez solitaires, qui ne tiennent pas particulièrement avec être avec un congénère, ben là, quelle que soit la situation, ils évitent la zone électrifiée. Donc on voit bien qu'ils adaptent leur comportement suivant le contexte. Et ils savent peser différentes préférences et jauger le pour et le contre pour choisir. Alors j'ai trouvé aussi une expérience, toujours avec de la morphine qui bloque sélectivement la douleur. Là, c'est avec les poissons rouges. On leur met un harnais. Bon, toutes ces expériences ne sont pas très sympas. Bon, vous êtes prévenus sur l'expérimentation animale. Donc c'est un harnais chauffant, mais avec une sécurité quand même. On ne cherche pas à brûler les poissons, mais simplement à leur à ce que ça chauffe. Au bout d'un moment, ça leur fait mal. Et on s'aperçoit qu'entre les poissons, entre des poissons qui ont reçu de la morphine et des poissons qui n'ont pas reçu de morphine, ils commencent à s'agiter à la même température, donc ils ressentent la sensation de chaud. Mais par contre, ceux qui n'avaient pas de morphine, on s'aperçoit 2 heures plus tard qu'ils sont encore stressés, craintifs. Donc ça montre que comme ils ont eu mal, eux, ils ont ressenti la douleur et pas seulement la sensation de chaud. Ça les a perturbés un peu émotionnellement et ils sont devenus stressés. Ah, ça montre aussi que leur mémoire n'est pas trop mauvaise. Contrairement à la légende que les poissons n'auraient que 3 secondes de mémoire. Donc en fait, toutes les études montrent que tous les poissons ont une mémoire, ce qui est tellement... Le contraire eût été étonnant vu l'utilité de la mémoire pour la survie. Alors la mémoire des poissons rouges est d'au moins 3 mois, puisque j'ai trouvé une expérience qui durait 3 mois. Et au bout de 3 mois, les poissons rouges avaient conservé l'information. Alors je vais développer la mémoire spatiale. Parce que ce sont des souvenirs qui, bien sûr, qui sont très utiles, mais qui doivent être mis à jour régulièrement au gré des changements de l'environnement. Donc, pour se construire une représentation de l'espace, les poissons utilisent tout un tas d'indices visuels, olfactifs et électriques, puisque l'eau est conductrice, il y a des poissons qui ont des récepteurs à l'électricité. Ils utilisent aussi le champ magnétique terrestre, la position du soleil, la polarité de la lumière, les courants d'eau, les courants marins. Donc, les expériences de base sur la mémoire spatiale des poissons, ça consiste à leur apprendre à se déplacer dans un labyrinthe et à trouver la nourriture à un endroit. Et bien sûr, d'un jour à l'autre, ils se souviennent où on place la nourriture et ils y vont directement. Alors après, il y a des chercheurs qui se sont demandé, est-ce que les poissons utilisent des souvenirs relatifs, donc à tel endroit, tourner à gauche ou à droite, ou bien s'ils utilisent des indices absolus, donc ils ont une représentation de l'espace et ils vont à tel point ou tel point. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est de construire un labyrinthe symétrique, avec le côté gauche et le côté droit identiques. Et donc, par exemple, on met la nourriture du côté gauche, et le poisson apprend à trouver la nourriture dans la partie gauche. Mais Après, on retourne à 180 degrés le labyrinthe et on met la nourriture du côté droit. Donc, elle est toujours dans la même position relative. Non, justement, elle n'est pas dans la même position relative puisqu'elle est à droite plutôt qu'à gauche. Par contre, elle est dans la même position absolue dans la pièce où se trouve l'aquarium. Alors, le poisson peut utiliser soit une procédure à partir de souvenirs relatifs en disant, ben là, je vais tourner à gauche, soit se fonder sur les indices qu'il y a dans la pièce, où est la fenêtre, la porte, l'étagère. Non, mais il voit ce qu'il y a dans la salle, en fait. Les aquariums ont une vitre transparente, donc les poissons, ils voient la pièce. Et donc, ils peuvent se rendre compte qu'ils ne sont pas dans la même position. Et effectivement, c'est ce qu'on observe. Alors, ils utilisent les deux. Il y en a qui se trompent. Il y en a qui trouvent tout de suite. Donc, ils utilisent directement les indices qu'il y a dans la pièce. D'autres qui se trompent et après, qui, dans les essais suivants, ils changent de stratégie et ils arrivent à trouver la nourriture. Donc ils ont une représentation de l'espace et aussi ils utilisent comme nous des procédures plus économes en énergie mentale qui consistent à dire, bon là je tourne à gauche, à droite. Bon, il y a le cas très connu des saumons qui retrouvent leur rivière natale à l'odeur pour pondre. Oui, alors c'est à l'odeur, ils utilisent tous les indices possibles et imaginables, l'odeur de l'humus, des plantes, l'odeur de des membres de leur famille, leur urine, etc. Mais il y a une expérience très fascinante sur la mémoire spatiale avec les gobies. C'est des poissons qui vivent dans des mares en zone côtière. Donc des mares rocheuses. À gauche, je vous ai mis un gobi. Et donc, à marée basse, la mer se retire et il y a des flaques. Et les poissons vivent dans les flaques. Et on s'est rendu compte que lorsqu'un oiseau tentait de les manger, il sautait dans une mare adjacente. Et il planifie très efficacement leur évasion, parce qu'ils peuvent faire plusieurs bonds en changeant de direction, en sautant avec la bonne vitesse pour tomber dans les bonnes mares, et ils ne se trompent pas. Donc on peut se demander comment ils font. Et bien en fait, à marée haute, ils mémorisent la topographie des lieux, et ils devinent à marée basse quels seront les endroits qui seront remplis d'eau. Et du coup, bon, ils vont dans un des bassins, mais ils peuvent comme ça sauter de flaque en flaque en cas de besoin. Et il y a eu une expérience qui a été faite pour confirmer ça dans un bassin artificiel où là on crée des bassins pour simuler la zone côtière et on pouvait contrôler la marée. Donc on a introduit des poissons et on s'est aperçu qu'il leur a fallu que d'une marée haute pour mémoriser la topographie des lieux et ensuite sauter avec le bon angle et la bonne vitesse d'une mare à l'autre. Alors pour vous rendre compte de l'étendue des capacités de navigation des poissons, il y a eu des expériences où en fait on capturait un poisson dans son milieu et on le relâchait beaucoup plus loin pour voir s'il retrouvait son chemin. Et en fait, ils arrivent à retourner à leur nid à plus de 20 km de distance. Il y a eu des records dans cette étude où le poisson parcourait plus de 22 km pour retrouver son habitat. Et dans une variante, on a gardé les poissons en captivité 6 mois pour ensuite les relâcher à 20 km de leur lieu d'habitation et ils ont retrouvé leur chemin. Non, ça, ce sera plus tard. Alors leur souvenir peut être aussi contextualisé. Donc, c'est des études où, en fait, on entraîne un poisson à aller chercher de la nourriture dans une zone particulière, à une heure particulière. Par exemple, l'omble chevalier apprend sur une période de 10 jours à concentrer leur forage dans une fenêtre de 2 heures. C'est pendant, la nourriture est disponible que sur une période de 2 heures. Et ils vont au bon endroit à la bonne heure. Le ménée jaune, on peut l'entraîner à s'attendre à être nourri à midi dans un coin lumineux de leur aquarium. Et ils quittent le point sombre pour se rendre au coin lumineux à midi. Et il y a des observations de terrain qui corroborent l'idée que, comme ça, les poissons ont une forme de mémoire épisodique, donc une mémoire ancrée dans un contexte temporel et spatial. Ce sont les proies dans les récifs coralliens qui, en fait, font des parcours en fonction de plusieurs paramètres. Alors, d'abord, la localisation de la nourriture. Alors, ça a été étudié chez des mangeurs de plancton. Ils se concentrent sur une zone riche en plancton. Mais une fois qu'ils ont tout mangé, ils n'y reviennent pas tout de suite. Ils attendent que le plancton repousse et pour y revenir plus tard. Et aussi, ils s'adaptent au parcours des prédateurs. Donc, ils observent les habitudes des prédateurs, à quelle heure le prédateur passe à tel endroit. Et du coup, ils évitent les endroits dangereux en conséquence. Alors, il y a pas mal d'études sur la personnalité des poissons. Alors bon, j'avais envie d'en parler parce qu'il y a une conception courante comme quoi les poissons seraient tous des individus interchangeables, des représentants indifférenciés de leur espèce. Mais bon, après, la notion de personnalité est très difficile à définir parce que c'est dur de trouver des tendances générales dans le comportement d'un individu, puis aussi de voir ce qui est lié au contexte aux dispositions innées du poisson. Mais alors, les éthologues ont proposé plusieurs méthodes pour appréhender la personnalité des poissons. Alors, c'est le continuum timidité-hardiesse. En fait, la hardiesse, c'est défini comme la propension à prendre des risques que l'on mesure, par exemple, par la propension à s'approcher d'un objet nouveau. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que les poissons avaient beaucoup, enfin un certain nombre avaient un peu peur des objets nouveaux. Et dans beaucoup d'études, les poissons se comportent avec consistance au fil des différentes expériences. Donc un timide est régulièrement timide et un hardi est régulièrement hardi. Ensuite, il y a une échelle proactif-réactif qui est déjà un peu plus riche. Alors les poissons proactifs sont définis comme actifs, agressifs, hardis. Ils ont des routines inflexibles. Ils apprennent assez lentement les changements dans leur environnement et ils explorent rapidement et superficiellement de nouveaux objets. Par contre, les réactifs sont plutôt timides, pacifiques, sensibles aux changements de l'environnement. Ils explorent lentement et soigneusement les nouveaux objets et puis ils s'adaptent facilement aux changements de leur environnement. Donc ça, c'est déjà une échelle plus riche puisqu'elle inclut différents traits. Et ensuite, il y a une autre méthode utilisée par les éthologues qu'ils appellent syndrome comportemental. Donc là, on essaye de voir des tendances, des corrélations entre différents traits de caractère. Donc ça permet d'évaluer des tendances d'une population ou d'une espèce plus ou moins agressive. Alors les corrélations, ça peut être par exemple entre la hardiesse et la curiosité. Est-ce que quelqu'un de curieux va prendre plus de risques? Et cette approche permet de comprendre pourquoi un trait qui est désavantageux Non, je m'embrouille. Oui, ça permet de comprendre pourquoi il y a certains traits qu'on constate désavantageux dans certains contextes, mais en fait, c'est parce qu'ils sont avantageux dans d'autres contextes. Par exemple, un poisson agressif peut être un bon chercheur de nourriture, parce qu'il va prendre des risques explorés. Par contre, il sera moins bon en accouplement, parce que les partenaires n'aiment pas les gens agressifs. Et donc, si on analyse que la reproduction, on va trouver ce trait-là de personnalité inadapté et on ne comprendra pas pourquoi il a survécu à la sélection naturelle. Bon, alors ça reste des échelles schématiques. C'est toujours le problème de l'objectivation. Là, les chercheurs essayent de trouver des éléments objectifs qu'on peut déterminer avec des expériences simples. Donc parfois, ça peut être trop large. Par exemple, dans une situation donnée, par exemple, un poisson ne va pas s'approcher d'un nouvel objet. Alors, est-ce que c'est possible? Donc, on va dire il est timide, mais est-ce qu'il est motivé? Ça peut être plusieurs causes psychologiques qui expliquent son comportement. Il peut avoir peur du nouvel objet, mais il peut aussi manquer de curiosité. Donc là, on va perdre la différence entre la peur et la curiosité et l'englober dans une seule caractéristique. Bon, alors, étant donné que les individus sont différents physiquement et psychologiquement, on peut s'attendre que les poissons se reconnaissent les individus qui vivent avec eux, et c'est le cas, de nombreuses études l'ont montré. En fait, tous les poissons quasiment reconnaissent leurs congénères individuellement. Beaucoup sont des animaux sociaux qui vivent dans des groupes stables où chacun se connaît. Et puis ils s'organisent en couple, ils forment, bon, par exemple, les parents cyclides, ils s'occupent à deux de leurs petits. Donc. Pour reconnaître les autres, ils utilisent tous leurs sens, la vue, l'odorat, même l'ouïe. Ils peuvent reconnaître la voix des individus. Mais c'est surtout l'odeur qui est utilisée parce que l'eau est un très bon solvant. Il y a beaucoup plus de substances chimiques qui peuvent se disperser dans l'eau que dans l'air, où il n'y a que les substances volatiles qui rentrent. Alors on observe chez les poissons une préférence pour les individus familiers. Par exemple, les guppies, on s'aperçoit qu'elles peuvent reconnaître un maximum de 40 individus. Alors ils préfèrent, toutes choses égales par ailleurs, les poissons. Ceux qui ont une odeur similaire à la leur. Mais alors, l'odeur des poissons peut être composée d'abord d'odeurs corporelles, mais aussi d'odeurs environnementales qui proviennent de l'habitat ou de l'alimentation. Et certains poissons préfèrent nager avec des inconnus ayant les mêmes odeurs environnementales qu'eux, donc les mêmes habitudes, le même régime, etc., plutôt que avec des poissons qu'ils ont déjà rencontrés, mais qui ont des habitudes différentes. Et il y a d'autres observations sur des poissons qui aiment beaucoup être dans des grands bancs, mais qui préfèrent aller finalement avec des individus familiers. Il faut que le banc soit deux fois plus grand que d'habitude pour les convaincre d'aller quand même avec le banc étranger. Et il y a bien sûr une préférence suivant la personnalité. Hein, par exemple, les poissons se comportent avec leurs familiers sur la base des comportements antérieurs. De ces individus. Par exemple, les verrons s'associent plus volontiers avec les individus peu compétitifs qu'avec les individus très compétitifs. J'ai trouvé un truc sur les épinoches qui s'associent avec leurs congénères les plus coopératifs lorsqu'ils partent en quête de nourriture ou qu'ils doivent faire une inspection de prédateurs. C'est des patrouilles à deux qui comportent des risques. Donc, il faut aller avec des gens de confiance. Alors c'est une procédure. Il y a un poisson qui s'avance, qui s'arrête, l'autre qui s'avance, qui le dépasse, puis qui s'arrête, et ainsi de suite, pour s'approcher pas à pas de la menace éventuelle. Et donc, alors dans ce cas de figure, un individu coopératif, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui va aller de l'avant, et y en a d'autres qui jouent pas le jeu, qui s'avancent juste un peu, puis qui laissent l'autre prendre les risques et aller de l'avant. Donc bien sûr, les guppies choisissent, ou non, les épinoches, ils choisissent les gens un peu fiables, quoi, qui sont coopératifs. Et on a observé aussi que les guppies, voilà, ils choisissent entre deux inspecteurs qu'ils ont observés faire une inspection, le plus fiable, donc celui qui va le plus de l'avant, après une observation de 4 minutes seulement. Alors après, les chercheurs se sont amusés à observer les relations de tous les animaux d'un banc, ou de même plusieurs bancs, plusieurs groupes, et de voir ceux qui ont des affinités qui sont souvent ensemble et de tracer comme ça les réseaux sociaux dans un banc. Alors on trace une ligne entre deux individus à partir d'un certain nombre d'interactions et quand les deux poissons nagent souvent ensemble, parce que les poissons font souvent nagent de manière synchronisée. On appelle ça schooling en anglais. Schooling, j'ai pas trouvé de traduction. C'est la nage en formation, là, que les poissons qui tournent en même temps. Et dans le deuxième graphique, c'est le même groupe, c'est des guppies. Et le niveau de gris indique des groupes qu'on a réussi à isoler, donc des gens qui se fréquentent beaucoup. Alors comme les poissons vivent dans des environnements très sociaux, on peut penser qu'ils vont apprendre des autres. Donc ils peuvent apprendre à faire quelque chose par observation. C'est principalement en observant leurs congénères qu'ils apprennent des choses, où se trouve la nourriture, des choses comme ça. Alors, le comportement anti-prédateur, ça c'est l'art d'éviter les prédateurs. Alors, vous vous doutez que les poissons apprennent beaucoup de leurs congénères, parce que mieux vaut avoir déjà un peu appris avant sa première confrontation. Les poissons d'avant fuient de manière synchronisée avec leurs congénères en cas d'attaque. Et quand les poissons reviennent d'une tournée d'inspection, ils communiquent au banc entier le niveau de la menace. Donc le banc est informé. Et par exemple, les ménés réduisent leur activité, ils cessent de bouger. Ils essayent d'être le plus invisible possible quand les inspecteurs envoient des signaux de menace. Il y a eu une expérience en 2003, on s'est aperçu que les guppies capturées, alors oui, c'est souvent les mêmes poissons qu'on utilise dans les expériences parce qu'ils sont pratiques. Vous voyez, c'est comme les rats ou les pigeons dans les expériences sur les animaux terrestres. Alors les guppies capturées dans une zone pauvre en prédateurs modifient leur comportement en présence d'une menace seulement quand ils sont appairés avec un congénère provenant d'une zone riche en prédateurs, donc un congénère expérimenté. Mais quand leur binôme vient comme eux d'une zone avec peu de prédateurs, ça n'affecte pas leur comportement, donc ça montre qu'ils peuvent apprendre de leur congénère l'art d'échapper aux prédateurs. Ils améliorent leur coordination avec leurs camarades et ils inspectent la menace depuis une plus grande distance. Dans une autre expérience, on entraîne un groupe de poissons, on a fait ça avec plusieurs espèces, à s'échapper d'un filet par un itinéraire A et un autre groupe par un itinéraire B. Ensuite, on met des poissons naïfs avec les poissons entraînés, et les poissons naïfs suivent le même itinéraire que les poissons entraînés. Et ils gardent la même habitude une fois seuls. Donc ils ont appris par imitation. Ils peuvent apprendre aussi auprès des autres comment s'orienter. Alors, par exemple, les gorettes jaunes vivent dans des sites de repos, dans les récifs coralliens. Et ils font quotidiennement des circuits vers des sites où se trouve de la nourriture. Chaque groupe a ses habitudes et est régulièrement rejoint par des jeunes. Et dans une expérience, on a transporté des jeunes dans un groupe. Et puis, deux jours plus tard, on a retiré les anciens pour voir comment se débrouillaient les jeunes. Et on observe que les jeunes, en fait, ont acquis les mêmes habitudes que les anciens. Et un autre groupe est transplanté. Alors on retire toutes les gorettes et on transporte un nouveau groupe. Et on observe qu'ils ont des habitudes complètement différentes, qui sont en fait inspirées de leurs habitudes antérieures. Donc, c'est pas efficace au début. On a aussi observé que les girelles à tête bleue ont des lieux de reproduction identiques d'une génération à l'autre. Alors, ils vivent 2 ans. Donc dans une expérience, on a retiré la population de girelles d'un récif pour la remplacer par une autre, et les nouveaux venus ont choisi des lieux de reproduction différents. Et en fait, ça a été transmis de génération en génération, puisqu'ils ont gardé les mêmes endroits pendant 12 ans, la durée de l'expérience. Donc c'est un cas de comportement culturel. Alors encore une expérience, alors ça c'est en laboratoire où on entraîne des poissons à aller manger en prenant un itinéraire parmi plusieurs itinéraires possibles. Et ensuite, quand un poisson observateur voit un autre aller manger, ben dans la même situation, il prend le même chemin. Il prend le chemin qu'il a observé. Bon, et toutes ces études là sur la culture des poissons les décrivent quand même comme assez conformistes. Ils font comme font les autres et ils gardent parfois des habitudes inadaptées par tradition. Il n'y a pas que les humains qui font ça. Ah oui, alors le choix du partenaire. Alors là, je suis tombé sur une étude rigolote qui montre que les poissons sont plus attirés par les poissons qui ont été séduits par un tiers. Donc, le dispositif, c'est qu'il y a une femelle qui observe depuis un aquarium adjacent une autre femelle qui est placée en présence de deux mâles. Donc, la femelle choisit un des deux mâles. Mais après l'accouplement, elle est retirée de l'aquarium et l'observatrice est introduite. Et là, elle montre une forte préférence pour le mâle qui a été choisi par l'autre femelle. Alors, le statut social, ben, en fait, les poissons vivent en groupe hiérarchisé, avec un système de dominant-dominé. Et ils sont amenés pour défendre leur territoire ou pour s'affirmer dans le groupe, à se battre avec leurs rivaux. Mais bon, après, se battre a un coût, ça demande de l'énergie, on peut se blesser. Donc, ils cherchent autant que faire se peut à éviter tout combat inutile. Donc, à éviter de combattre plus fort qu'eux, et si c'est le cas, par exemple, de se soumettre tout de suite pour ne pas avoir à se battre, à se lancer dans un combat perdu d'avance. Donc, on a fait des expériences avec des cichlides, parce que. Pourquoi ces poissons? Parce qu'en fait, ils défendent farouchement leur territoire durant la saison des pontes. Donc là, on peut facilement les pousser à se battre pour défendre leurs œufs. Et c'était pour savoir s'ils peuvent pratiquer l'inférence transitive en observant les combats. Alors, en fait, l'inférence transitive, c'est une opération logique qui consiste à. Alors, on observe, par exemple, que A est supérieur à B et B est supérieur à C. On va en déduire que A est supérieur à C. Alors est-ce que ces poissons-là peuvent faire cette opération logique? En fait, on place un observateur dans un aquarium central, avec autour cinq aquariums qui sont reliés par des sas. Un aquarium pour un poisson A, un poisson B, C, D, E. Et durant 11 jours, le mâle observateur voit les autres mâles combattre. On ouvre les sas. Alors les combats sont truqués, c'est comme au catch. Alors il y a plusieurs méthodes, mais bon, pour faire en sorte que A gagne toujours contre B, B toujours contre C, et ainsi de suite. Donc il s'ensuit que A est dominant sur B, B sur C, etc. Donc, du coup, si on pratique l'inférence transitive, on peut en déduire que si A va combattre E, c'est probablement A qui va gagner. Si B combat D, c'est probablement B qui va gagner. Alors, à la fin des 11 jours, on déplace l'aquarium de l'observateur et on met à ses deux extrémités deux aquariums et on ouvre les portes. Donc là, le poisson est obligé de se tourner vers l'un ou l'autre, lequel il va choisir. Et on s'aperçoit qu'il choisit le moins fort, toujours. Donc il a inféré la hiérarchie en observant des combats singuliers. Bon, recherche de nourriture, je vais passer, sinon ça va être long. Ah oui, évaluer les informations, ça c'est une expérience intéressante de 2004 avec des épinoches. Alors, c'est dans un aquarium, il y a deux chemins différents. Alors, on place un poisson qui est le sujet testé et il va trouver six récompenses dans le chemin A, par exemple, et deux dans le chemin B. Et ensuite, depuis un aquarium surplombant, il observe des congénères. Mais à ce moment-là, il y en a six qui visitent le chemin B, où l'épinoche avait trouvé peu de nourriture, et deux seulement visitent le chemin B, où il avait pourtant trouvé beaucoup de nourriture. Donc là, il y a un conflit, puisque le chemin A, selon ses souvenirs, était préférable, mais il est moins populaire, d'après son observation. Et l'autre chemin, il n'avait pas l'air très intéressant, mais il semble attractive d'après ce qu'il observe. Alors comment il va choisir entre les deux? Alors s'il accordait autant de poids à chaque source d'information, il montrerait aucune préférence, mais ce n'est pas ce qu'on observe. On observe qu'ils préfèrent se fier à leur information privée, leur propre expérience, pour choisir. Par contre, si le souvenir est lointain, s'il a 7 jours ou plus, là, ils vont plutôt se fier à l'information sociale, à ce qu'ils ont observé de leurs congénères. Donc, ils semblent capables d'évaluer la fiabilité de plusieurs sources d'informations. Donc, un souvenir ancien, ils savent qu'il est moins fiable qu'une observation récente. Alors, pour conclure l'apprentissage social, pour montrer son importance, on s'aperçoit que 95% des poissons d'élevage qu'on réintroduit en milieu naturel meurent dans les 2 semaines, parce qu'ils ne savent pas se débrouiller. Alors la coopération sociale, ça se manifeste de différentes manières. Alors, il y a les cas simples de réciprocité, qu'on appelle l'altruisme réciproque. Donc un poisson va être altruiste envers un autre en s'attendant à ce que l'autre fasse de même. Alors c'est le cas dans l'inspection de prédateurs dont on a déjà parlé. Donc les poissons prennent des risques si les autres en prennent, mais ils n'en prennent pas si l'autre ne joue pas le jeu. Bon, alors je vais plutôt insister sur l'intelligence machiavélienne, où là on observe des choses très intéressantes. Alors ça désigne l'art des stratégies sociales, voire même la manipulation. Donc là on devrait même parler d'intelligence machiavélique. Alors, ça a été notamment développé dans des études sur les labres nettoyeurs. Alors, ça se passe dans les récifs coralliens, dans les mers chaudes, comme la mer Rouge, l'océan Indien. Et ce sont des poissons qui proposent à d'autres de leur faire la toilette. Alors, voilà un labre nettoyeur. Et ils font la toilette à d'autres poissons. Ils mangent leur ectoparasite, leur peau morte, et les restes de nourriture coincés entre leurs dents. Donc là, vous voyez un gros client qui a l'air content. Et le petit labre près de l'œil. Voilà, là, il lui fait un petit nettoyage buccal. Alors parfois, c'est impressionnant quand le client est gros. Donc là, il y a un échange de nourriture pour le labre contre du bien-être pour les clients. Et alors les labres demeurent dans un endroit précis qui est connu des clients et qu'on appelle des stations de nettoyage. Alors ils peuvent travailler seuls ou en équipe. Alors souvent il y a un mâle qui gère la station avec 5 ou 7 femelles. C'est le cas le plus fréquent. Après ça peut être plus ou moins. Et il peut y avoir dans une station jusqu'à 2000 interactions par jour, donc ça fait du chiffre. Alors, outre le nettoyage, les labres proposent aussi des petits massages aux poissons, là vous voyez. Alors ça leur fait plaisir. Ah ouais, j'ai perdu ma palle. Voilà. Alors en fait, ils les pratiquent avec leur nageoire pectorale et ventrale. Ils caressent le dos du client et alors, soit pour les convaincre de venir se faire nettoyer, ce qui est le cas dans la photo que vous voyez, soit pour calmer un client agité qui bouge trop, parce qu'il y en a qui sont énervés pour X raisons, ils peuvent être dérangés par un parasite et c'est pour ça qu'ils viennent. Voilà, donc là il les calme en leur massant le dos. Et c'est aussi pour offrir un service attractif à leurs clients, on va le voir par la suite. Donc, il y a des chercheurs qui ont fait des prises de sang aux poissons massés et on a trouvé des taux de cortisol, l'hormone du stress, plus bas. Donc là, les massages, ça les détend bien. Alors pourquoi on parle de machiavélisme dans cette affaire? En fait, c'est parce que les poissons, les labres nettoyeurs, ont une préférence pour le mucus, qui est le gel insoluble qu'il y a sur la peau des poissons, qui est composé de glycoprotéines. Et qui, ça les rend plus glissants, hydrodynamiques, ça les protège contre les infections ou les coups de soleil dans les massifs coralliens. Et cette préférence est très marquée. Par exemple, en aquarium, entre du mucus et quoi que ce soit d'autre, il ne mange que du mucus. Sur un poisson anesthésié, il mange tout le mucus. Et en fait, on pense qu'au départ, leurs ancêtres étaient des parasites qui mangeaient le mucus. Ce qui explique qu'ils ont gardé ce goût immodéré qui peut leur attirer des ennuis, on va le voir. Puisque ça, évidemment, les poissons, les clients, ils n'aiment pas qu'on les morde et qu'on leur gratte avec les dents leur mucus. Donc là, il y a un conflit d'intérêts entre les labres qui ont envie de manger le mucus, mais les clients qui ne le veulent pas. Alors, comment s'y prennent les labres? En fait, pour comprendre leur stratégie, il faut distinguer trois sortes de clients. Il y a les prédateurs. En fait, les prédateurs, c'est ben, comme le gros poisson qu'on voyait tout à l'heure, c'est ceux qui peuvent manger le labre s'ils ne sont pas contents. Alors là, les labres filent doux, ils sont très coopératifs, ils ne mangent jamais de mucus. Et ils leur prodiguent moult massages, ils sont tout gentils. Ensuite, il y a les résidents. Ça, c'est des poissons qui se déplacent très peu, et donc ils ont à leur disposition qu'une seule station de nettoyage. Alors eux, leur seul moyen pour avoir un service de qualité, c'est de punir le nettoyeur s'ils ne sont pas contents de son service. Alors eux, ils tensent le nettoyeur quand ils ne sont pas contents, quand ils se font mordre ou quoi que ce soit. Alors ils les poursuivent et ils leur donnent des coups. Et on s'aperçoit que quand ce genre de choses arrive, à la visite suivante d'un résident qui les a tensés, alors là, les labres sont aux petits soins, ils ne mangent pas du tout de mucus, ils leur prodiguent beaucoup de massages pour se réconcilier. Et enfin, il y a les visiteurs. Alors ça, c'est des poissons qui naviguent beaucoup. Donc là, ils font jouer la concurrence. Ils ne vont pas se fâcher si le service n'est pas bon, ils vont ailleurs. Donc là, les relations avec les visiteurs sont complexes, on va le voir. Et sinon, ben, on observe que les labres offrent un meilleur service aux visiteurs familiers qu'aux visiteurs inconnus. Donc ils bichonnent bien leurs habitués, parce qu'il ne faut pas les perdre. Par contre, les gens de passage, on peut se permettre de les mordre pour avoir un peu de mucus, ça ne va pas trop nuire au business. Alors souvent, je vous ai dit qu'il y avait jusqu'à 2000 interactions dans une station, donc souvent lorsqu'un labre toilette un poisson, il y a le client suivant qui est là et qui observe ce qui se passe. Et les observations de terrain ainsi que les expériences montrent que les clients observateurs sont très attentifs à ce qu'ils voient. Si le service est bon, ils ont tendance à inviter le nettoyeur à interagir. Par contre, si le service est mauvais, ben, ils renoncent. Du coup, on peut penser que les poissons nettoyeurs, eux, ils vont être sensibles au fait d'être observés ou pas. Que s'ils sont observés, ils vont donner un bon service pour que le client suivant ne parte pas. Et c'est ce qu'on observe, le service est meilleur lorsqu'ils sont observés. Mais ça, c'est le cas général, parce qu'en fait, il y a des variations suivant l'observateur. Si l'observateur est un résident, ben, ils ne font pas d'efforts particuliers, puisque c'est un client captif. Ils n'ont pas besoin de soigner leur réputation auprès de lui. Ils ne vont pas partir à la concurrence, donc pas besoin de soigner leur réputation. Par contre, si l'observateur est un visiteur, alors là, les labres redoublent d'efforts, ils ne mordent pas, ils font des petits massages. Donc ils font leur pub pour convaincre le client de rester. Donc vous voyez, ils ont des stratégies parfois assez machiavéliques. Alors les aléas de la vie conjugale, alors ça c'est toujours chez les labres, en fait ce sont des hermaphrodites successifs. Ça veut dire qu'ils commencent comme femelles et ils deviennent mâles seulement lorsqu'ils sont assez gros pour défendre leur territoire et commander un harem. Donc en général, une troupe de labres sur une station, c'est un gros mâle avec un harem de femelles. Et on observe que souvent le mâle a tendance à chasser la plus grosse des femelles parce qu'elle risque de devenir un mâle et de devenir du coup calife à la place du calife. Donc il l'expulse. Alors, une équipe de nettoyage souvent nettoie les gros clients ensemble. Donc, si l'un des nettoyeurs mange du mucus, le gain lui revient à lui seul, mais le coût est supporté par l'ensemble. Donc là, on est dans un dilemme du prisonnier. Ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier, c'est où comme il y a un risque que les autres trahissent, en fait, un individu égoïste, son choix optimal, ça consiste à trahir le premier. Alors comment ils font pour sortir de ce dilemme ? En fait, c'est une solution très asymétrique. C'est s'il y a une femelle qui triche, le mâle va la frapper ou la chasser. Du coup, elles sont très coopératives. Enfin, pas toujours, parce que j'ai trouvé une péripétie amusante. C'est une femelle qui mordait régulièrement les clients. Donc le mâle, au bout d'un moment, en a eu marre et l'a chassée. Et en fait, elle a ouvert une station de nettoyage à quelques mètres. Et là, elle s'est constituée une clientèle. Et là, elle était toute gentille avec ses clients. Par contre, régulièrement, elle faisait une virée chez son ex-patron. Et là, elle bouffait le mucus des clients. Donc, elle faisait bien la différence entre ses clients à elle qui habichonnent et puis les clients de son ex-patron qu'elle pouvait détrousser. Alors, il y a un autre exemple de ce genre de petit coup fourré chez les Sichlides. C'est quand il y a une femelle non familière qui arrive sur un nouveau territoire, en fait, les femelles présentes ont tendance à la chasser. Mais les mâles, souvent, ils interviennent en faveur de l'étrangère pour que ce soit elle qui gagne. Parce que si elle gagne, elle va rester, donc ça leur fera une femelle en plus. Et enfin, un autre exemple de coopération, c'est la chasse coopérative. Alors, c'est moins rigolo parce qu'il s'agit de chasse. Ça a été étudié, par exemple, chez les maquereaux qui chassent en période reproductive. Le reste de l'année, ils mangent du plancton. Alors, on s'est aperçu qu'ils recrutaient une équipe en l'absence de proie, laquelle est recherchée une fois la décision de chasser prise. Et parfois, ils se répartissent les tâches. Alors, il y en a un qui disperse le banc des poissons cibles. Ils foncent dessus. Il y en a d'autres qui rabattent les proies vers un autre groupe qui est en embuscade pour les attraper. Et la stratégie varie suivant les espèces ciblées. Et donc, c'est un comportement très complexe, puisque lors de la chasse coopérative, chaque participant doit suivre ce que font ses camarades et ce que font les proies et agir en conséquence. Alors, les proies, elles ne sont pas du tout en reste, puisqu'elles aussi ont des stratégies complexes. Déjà, comme je vous l'ai dit, elles évitent les zones à prédateurs. Elles envoient régulièrement des binômes qui quittent le banc pour faire des inspections quand il y a une menace éventuelle. Ensuite, elle planifie des routes de fuite. Souvent, il y a les anciens qui mènent le banc parce que les anciens connaissent les routes de fuite et ils guident les jeunes pour s'enfuir et trouver refuge. Voilà. Et dernier exemple, c'est une coopération de chasse entre des espèces différentes. Alors c'est le mérou qui est un prédateur qui, lui, poursuit ses proies à la vitesse. Alors que la murène chasse plutôt en embuscade, en se cachant derrière un corail, ou sous un caillou, d'où l'expression « y avoir anguille sous roche ». Donc, quand une proie du mérou se réfugie dans un corail, elle peut mettre du temps à ressortir, ou le faire à un autre endroit. Donc, du coup, les mérous vont chercher de l'aide. Les anguilles, pendant la journée, restent dans des anfractuosités et les mérous vont les voir. Ils font un hochement de tête rapide, plusieurs fois par seconde. Alors parfois, l'anguille s'en fiche. Mais souvent, elle se lève et suit le mérou. Il l'amène à l'endroit où se cache la proie. Et du coup, l'anguille, qui est beaucoup plus agile, va à la recherche de la proie. Donc souvent, le mérou indique avec son nez à l'anguille où entrer dans le corail. Et parfois même, le duo se forme dès le début. Le mérou se dit, tiens, aujourd'hui, je vais tout de suite chasser avec une anguille. Oui, alors en fait, la moitié du temps, l'anguille fait sortir la proie qui tombe dans les griffes du mérou, et l'autre moitié, l'anguille capture la proie et la mange, parce que c'est des petits poissons et c'est pas partageable. Donc ils se répartissent le butin comme ça. Donc là, il y a quand même une capacité importante de comprendre les intentions de l'autre, de planifier des stratégies. Et bon, dans ce cas-là, on peut guère expliquer ça, je ne sais pas quoi, par l'instinct, puisque c'est deux espèces différentes. Et on se demande même comment ça a commencé, comment cette stratégie a bien pu débuter. Peut-être que les mérous sont aperçus qu'en observant les anguilles, que ce serait que ça pouvait les aider. Alors, pour conclure, on s'aperçoit que pour ce qui est des capacités mentales, il n'y a pas lieu de faire une différence entre les poissons et les vertébrés terrestres. Puisque par exemple, les stratégies du labre nettoyeur, l'intelligence machiavélique, il y a encore 15 ans, on aurait dit que c'était les primates qui faisaient ce genre de choses et c'est tout. En fait, on l'observe chez les poissons. Et par contre, on en est au début, je vous ai dit, des études sur les poissons. Leur nombre a augmenté récemment. Il y en a très peu sur les mécanismes psychologiques qui sous-tendent les comportements, comme j'avais montré l'année dernière, là, où ça a été beaucoup plus étudié chez les rats, les oiseaux, etc. Par exemple, la mémoire contextualisée, on ne sait pas vraiment si c'est de la mémoire épisodique comme chez les humains ou chez les rats, ou si c'est des mécanismes plus simples faisant intervenir une horloge interne, la luminosité ou autre. De même, l'évaluation des informations, là, entre l'information sociale et l'information privée, on ne sait pas exactement les mécanismes. Est-ce que c'est de la métacognition au sens plein, ou est-ce que le poisson se base juste sur la fraîcheur du souvenir? Et pareil pour l'intelligence machiavélienne, on ne sait pas à l'heure actuelle si, par exemple, les labres agissent parce qu'ils se représentent l'esprit des clients, ou si simplement ils se basent sur ce qu'ils ont observé de leur comportement. Voilà, donc c'est. Je ne sais pas s'il faut appeler à d'autres études, puisque c'est des expérimentations pas toujours sympathiques, mais. Voilà. Oui, il y a beaucoup de sceptiques qui doutent de tout. Par exemple, qui vont dire, ah oui, d'accord, on voit bien qu'ils ont, ils ont des... Quand on observe au microscope ou par autopsie ou même sous anesthésie, parce que je suis tombé sur plusieurs études dans la série de celles que je vous ai présentées au début, où on regardait... comment se présentait la peau des poissons. Effectivement, on trouve des récepteurs à la douleur similaires à ceux qu'il y a chez les animaux terrestres. Mais il y a toujours des sceptiques qui vont dire « Ah oui, mais on n'est pas sûr que c'est perçu consciemment parce que les poissons ont un plus petit cerveau que les mammifères. » Et ce genre d'étude a permis... de convaincre la communauté scientifique, puisque maintenant il y a une unanimité sur le fait que les poissons ressentent bien la douleur. Les gros poissons qu'on mange, les thons, les gavillots, les morues, les machins. Je vous parlais des macros, des truites. Oui, les anguilles aussi, ça se mange. Oui, alors j'ai pas fait de sélection vraiment pour mettre que des poissons qu'on mange, mais il y a des études en effet sur les truites, il y a beaucoup de travaux sur les saumons, leur stratégie d'évitement des prédateurs. Bon là, j'ai pas parlé de tout, mais ça a été très étudié chez les saumons et les truites. Les stratégies d'inspection, les stratégies préventives ou de contre-mesures, de se cacher dans le sable, d'éparpiller de la vase pour brouiller les pistes. Donc il y a quand même, oui, il y a des études sur les poissons qu'on mange. Oui, complètement. Mais alors, ils sont dans une optique très welfariste, un peu comme on pourrait dire les gens de l'INRA. Ils disent oui, voilà, la question, ce sont des êtres sensibles, etc. Donc, on peut pas faire n'importe quoi avec eux. Il faut utiliser ce qu'on sait sur eux pour améliorer les conditions de vie dans les élevages. Ils disent pas cesser de manger de poisson pour l'instant. Oui, il y en a, ils parlent. Ah oui, il faudrait les étourdir avant de les tuer. Il y a des moyens avec du gaz ou des chocs électriques pour les. Oui, bien sûr. Alors, il y a certains chercheurs, je me suis demandé s'ils étaient welfaristes parce qu'ils pensent que c'est ce qui passe le mieux auprès du grand public, ou c'est parce qu'ils l'étaient vraiment, qu'eux, ils mangent du poisson et tout ça. Enfin, et ceux pour qui j'ai trouvé des informations en lisant des interviews, c'est ils mangent du poisson. Donc, ce qui les intéresse, c'est réduire la souffrance des individus. Ça doit déjà exister d'assommer les poissons dans des élevages de saumon norvégien. Je crois bien qu'ils assomment avant de les couper. Ils assomment dans les tuyaux. Oui, ça me dit quelque chose, parce que j'ai lu un article sur. Les conséquences sur le bien-être de ce qu'on sait en éthologie, et il citait, oui, des élevages où on tentait d'assommer les. D'une manière générale, j'ai déjà entendu parler d'élevages, que ce soit de poissons ou d'autres, où on essayait de réduire la souffrance des animaux, non pas dans le but direct de réduire la souffrance, mais dans le but secondaire que la viande soit meilleure. c'est possible que ça s'applique aussi aux élevages de saumon, mais j'en sais absolument rien. Est-ce que c'est pas un mythe, ça? Parce que c'est quelque chose que j'avais un peu en tête avant de devenir végétarienne, qu'on ne laisse pas souffrir les animaux avant de les abattre, parce que sinon la viande n'est pas bonne. Pierre en parlera mieux que moi, mais je sais qu'il existe par exemple un élevage de vaches japonaises où on leur fait des massages, on leur donne de la bière dans le but qu'elles soient bien détendues et que leur viande soit plus tendre. Évidemment, en contrepartie, la viande est 5 à 10 fois plus chère. Oui, Brigitte, ouais. À l'inverse, je crois que dans certains pays, on peut souffrir un maximum des animaux pour que la viande soit bien meilleure. Ouais, ça se faisait au Moyen Âge. On ébouillantait vivant les poules parce que c'était censé être meilleur. Les pays où on gave les canards. Ouais, voilà. En France et dans les pays occidentaux, tutelle d'adolescente, il y avait plein de méthodes pour faire souffrir les animaux avant de les tuer. On couait les pattes des oies avant de les égorger. On plantait un couteau dans le cochon pour faire courir. Je vais répondre sur les poissons, enfin dire un mot. Oui, il y a les deux arguments. C'était dans une interview d'un éthologue où il disait que il essayait de convaincre les éleveurs de poissons en leur disant « votre produit sera de meilleure qualité si les animaux ne sont pas stressés, etc. » mais qui en même temps disait qu'il y avait des éleveurs de poissons qui étaient conscients du problème éthique que posait leur activité et qui avaient à cœur sincèrement de faire souffrir moins leurs poissons. Si ça ne coûte pas trop cher, bien sûr. Peut-être que les choses que tu as dites sont... Enfin, que ça peut être très différent d'un type de poisson à l'autre, etc. etc. Enfin, il faudrait beaucoup plus de temps peut-être pour rentrer dans les détails de ça. Mais bon, ce que ça fait penser, par exemple, entre les mammifères, si on disait les mammifères et qu'on mettait dans le même sac, je ne sais pas, la souris grise, le gorille... Complètement, c'est parce que j'avais conscience qu'en résumant, en faisant une intervention de moins d'une heure, j'étais obligé de généraliser, et que sur un groupe très diversifié, que j'ai commencé en introduction en disant que c'était un groupe très très divers, que les poissons c'était très diversifié. C'était comme avertissement pour dire que ce qui est vrai pour certains poissons l'est pas forcément pour les autres. Ça, qui ont fait ça, c'est du revenu. l'industrialisation dans l'animal. Ça limite les souffrances, mais ça les supprime de beaucoup. Comment ? Oui, pour répondre à David, dans les 5 dernières années, les scientifiques ont complètement revu la classification des poissons. Et une grande majorité, enfin, je pense que le terme, une grande majorité considère maintenant que le terme poisson n'a plus d'existence scientifique, de pertinence scientifique. Ou alors, étant donné que nous avons un ancêtre commun avec les poissons, il faudrait mettre les mammifères sont des poissons. Oui, voilà, donc les dauphins sont des poissons. Oui, c'est parce que dans la classification classique, on classait les animaux suivant leur apparence et pas suivant leur généalogie. Donc, par exemple, on a exclu les oiseaux des reptiles, alors que les oiseaux font partie des reptiles. L'ancêtre commun des reptiles a aussi pour descendant les oiseaux, qui sont des dinosaures. Mais comme ils n'ont pas la même apparence que les autres reptiles, dans la classification classique de Linné, celle qui date du 18e siècle, qui a commencé à être élaboré du 18e siècle jusque dans les années 40. On classait par apparence. Alors là, sur le schéma, la flèche jaune, ça indique l'ancêtre commun. Et en rouge, c'est les tétrapodes, donc les animaux à quatre membres, mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens. Et on voit qu'ils se séparent ici des sarcoptégiens, rygiens, pardon. Donc ça confirme ce que tu dis. Et donc oui, il y a même des invertébrés dans les poissons. Donc c'est pas. Oui, et ben, quand j'ai dit que ça comprenait des tas d'êtres différents, c'était pour montrer qu'il y a, il y a pas vraiment de caractère commun, puisque il y a des poissons à poumons, des poissons invertébrés, des poissons qui n'ont pas de mâchoire, etc. Enfin, le seul point commun, c'est d'avoir un crâne, mais les tétrapodes aussi. Mais après, dans la classification classique, oui, je ne sais plus quelle est la définition classique des poissons. C'est des vertébrés, je crois, vivant dans l'eau et n'ayant pas de membres, n'ayant pas quatre membres. Enfin. Voilà, alors oui, dans la classification scientifique actuelle, il faut définir un groupe par des caractéristiques qu'il a, et pas par des caractéristiques qu'il n'a pas, puisque ça voudrait dire qu'on le définit en faisant référence à un autre groupe. Par exemple, un vertébré, c'est fautif, puisqu'on ne peut pas dire... par exemple, on ne va pas définir les mammifères comme les sans écailles ou je ne sais pas quoi. Il faut décrire un groupe par ses caractéristiques propres. Même maintenant, actuellement, on crée une nouvelle classification, la cladistique, qui est basée strictement sur la généalogie, d'où le, comme mode d'enquête, ça peut être le, l'ADN, etc. Et oui, c'est en constante évolution, puisqu'on s'aperçoit que des individus qu'on croyait faire partie d'une... être proches sont en fait très éloignés. Bon, par exemple, il y a un exemple qui, bon, qu'on sait depuis longtemps, mais les taupes d'Australie, en apparence, elles ressemblent beaucoup aux taupes d'Europe, mais en fait, ce sont des marsupiaux qui sont, dont l'ancêtre commun avec les taupes d'Europe est très très ancien. Mais simplement, il y a eu convergence évolutive, puisqu'elles vivent dans le même milieu, elles ont la même morphologie. Mais on les classe, on les met dans des catégories différentes, puisque généalogiquement, elles sont très éloignées. Oui, il y en a qui disent ça en disant « Ah, les poissons ont un cerveau plus petit que les mammifères, donc ils souffrent moins. » Mais bon, moi, ça ne me paraît pas convaincant, puisque bon, je pense que la sentience requiert un système nerveux qui consomme de l'énergie. Donc si, si par exemple la sentience des poissons leur suffit à éviter les choses douloureuses, et à faire des choses plaisantes, on ne voit pas pourquoi les mammifères auraient développé plus de sentience, qui consomment plus d'énergie, si c'est pour obtenir le même résultat. Donc je suis plutôt de... A priori, je pense que les poissons souffrent autant quand ils ont mal que les autres. Ah, pardon. Ah, donc quels sont les traitements qu'on leur fait subir qui sont plus douloureux que d'autres ? Et ben dans l'expérience où on injectait du venin d'abeille et du vinaigre, alors bon, dans les deux groupes, les individus avaient mal, mais ça, la sensation douloureuse n'était pas le même, puisque le comportement d'inconfort n'était pas le même dans les deux groupes. Par exemple, les poissons qui avaient le venin d'abeille ne comprimaient pas leurs lèvres. Donc ça montre que... cette douleur-là, causée par le venin d'abeille, n'était pas soulagée par une pression, tandis que la douleur causée par le vinaigre était soulagée par une pression. élevage intensif, certainement une douleur psychologique. Il y a une forme de dépression, ils se laissent mourir. On sait que chez les mammifères, c'est le cas. Les poissons, si on les sort de leur contexte, ou bien. Voilà. Ah oui, oui, il y a beaucoup d'études sur le stress des poissons, parfois le stress des poissons en élevage. Je suis tombé sur une étude où on donnait du Prozac à des poissons stressés et ça les calmait. Ça leur faisait un peu le même effet que chez les humains. Donc oui, ils peuvent avoir de la souffrance psychologique. Voilà les massages. Il y a le jeu du foulard là où les gens. Je sais pas, il y a des humains qui font le jeu du foulard qui consiste à s'étrangler là. Donc peut-être qu'à un moment les poissons ont un petit coup d'euphorie, j'en sais rien, mais quand même se noyer ça. Bon, ça m'est déjà arrivé de retenir bien ma respiration, et c'est assez pénible. Après, c'est peut-être un truc inventé pour pêcher sans scrupule. Pas faux. Oui, je pense. C'est pas des études isolées où on a. Par exemple, l'étude que j'ai donnée sur les truites, en fait, il y en a eu d'autres. Par exemple, en Russie, on a fait des. Bon, c'était peut-être pas des truites, mais des saumons. Et puis, c'était pas des piqûres d'abeilles, c'était des chocs électriques. Mais bon, les résultats étaient les mêmes. Donc, il y a une convergence entre les études. Ah oui, il y a une chercheuse qui raconte le ramdam médiatique. Même les études préliminaires où ils n'avaient pas encore montré l'étape accès conscient à la douleur, là, qui montre qu'il y a souffrance, puisqu'il y a perception consciente, où tout de suite on venait lui dire « Est-ce que les poissons ressentent la souffrance ?» Et elle disait, et elle répondait « Je ne sais pas, on n'a pas encore fini notre série d'études, je ne peux pas vous répondre. » Et les journalistes étaient très déçus. Mais souvent, ils se font manger. Ouais, de vieillesse, de maladie, enfin comme. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Faire évoluer les mentalités par rapport au manque de compassion pour. poissons en général, c'était de savoir comment on peut médiatiser ça. Est-ce qu'il y a des... Je sais qu'il y a beaucoup de films documentaires, est-ce qu'il y aura des... Par exemple, l'histoire passionnante de ces stations de nettoyage qui fera... C'est dans des bouquins. C'est vrai, c'est vrai, ah, c'est vrai. Mais je pensais à des documentaires. Parce qu'effectivement, on a beau voir on aura beau voir un film d'animation, on va pas savoir la part d'éthologie qui est basée sur l'éthologie, vraiment des comportements qu'on retrouve, et la part qui est romancée. Donc ce qui sera intéressant, c'est soit d'avoir vraiment quelque chose peut-être fait en animation ou un documentaire. Je ne sais pas s'il y avait des petits films dans les recherches que tu as fait sur. Oui, je suis tombé sur des petits films. Par exemple, la chasse coopérative entre Mérou et Anguille. Donc, mais c'était surtout... je ne les ai pas mis parce que c'était des rushs assez longs. Et puis, il faut s'y reprendre à deux fois pour comprendre ce qui se passe. Puisque, voilà, faut être bien attentif. Il faut avoir l'œil d'un éthologue pour voir les petits signes que font les poissons, le hochement de tête... Donc c'est pour ça que je ne vous les ai pas diffusés. Alors, Océan, c'est le gros documentaire. Dans Océan, est-ce qu'il y a vraiment... Je ne me souviens pas. Je pense que c'est pas... Oui, ça veut... Ça... Il me semble que Nemo souffre d'amnésie, ils reprennent un peu la... Ah, non, j'ai de grosses lacunes. Il y a mis d'énergie qu'il faudrait mettre dedans pour aller chercher ces images. s'occupe exclusivement de la pêche. Il y avait Till Arvidsson qui était venu donner une conférence à Genève. Peut-être que eux, ils ont des images, probablement. C'est leur domaine. Oui, les modes de communication des poissons sont très différents des nôtres. Ils communiquent beaucoup par des médiateurs chimiques, par des sons aussi, ils crient, mais c'est des ultrasons, on ne les entend pas. De toute façon, leurs cordes vocales sont conçues, entre guillemets, pour diffuser dans l'eau, pas dans l'air. Je pense que si on essayait de crier dans l'eau, je ne sais pas si ça donnerait des... Si, mais pour qu'on les entende, il faudrait baisser la fréquence, je pense. Mais ça se fait pas, ça, c'est pas fait. En tout cas, j'ai rien trouvé là-dessus. On les enregistre, on les détecte, mais il n'y a pas eu des traductions, disons. Thank you. Sauf qu'en se faisant embarquer dans un bateau, il faut dire qu'on ne mange pas les poissons, qu'on est végétalien. Ça suscite la suspicion, je pense. Il n'y a pas au poste de tueur. Dans les bureaux, c'est peut-être plus facile à vivre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Thank you. Ils sont vendus entiers ? C'est marrant. Et les pêcheurs qui sont aussi, c'est de la c'est pas du tout le même jour. Même, c'est pas le même processus. Thank you. pas fait ça. Non, pas du tout. J'ai fait des recherches bibliographiques. J'ai pas pratiqué moi-même en bibliothèque universitaire. Sérieusement. Je cherche comment éteindre cette machine. Je trouve pas le bouton. C'est derrière peut-être. Ah oui, il y a un gros bouton.